7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h-9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky dans la radio, je suis heureux de vous retrouver. Et heureux parce qu'il va faire beau aujourd'hui, ça c'est la très très bonne nouvelle. Et ouais, salut à Steph qui est du côté de Saint-Jean-de-Bray. Belle journée, bon réveil, merci de nous accompagner Francky ce matin. Et ouais, avec Sobed et Kungs sur l'air en ciel. Arc-en-ciel. Sous la chaleur avec Luyana, la distancia. Ça fait plaisir de vous retrouver jusqu'à 9h, on est en direct. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, pour bien démarrer ce week-end, eh bien le ciel sera ensoleillé aujourd'hui, ça c'est la bonne nouvelle. 15 degrés, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est agréable au lever du jour et on va dépasser les 27, 28 degrés et un soleil qui va faire briller tout au long de cet après-midi. Voilà, du son carré avec l'artiste et chocolat, bah oui, pourquoi pas, café, chouchou, chocolat le matin, peut-être pour vous, encore dans le lit ou alors sous la douche. Bah c'est l'artiste. T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on est là. Café, c'est quoi votre délire le matin? Oui. Estelle qui me dit, moi, c'est café au lait. Bah ouais, comme moi, tiens, ça tombe bien. Du son qui arrive avec Bob Sinclair, l'un des plus grands DJ de la planète qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Coucou à Estelle aussi, bah c'est la même d'ailleurs qui est connectée. Salut à Pascal d'Olivet. Bonjour Francky, belle journée. Je t'écoute à fond dans la bagnole, dans la Clio. Ah ouais, la Clio. Bonne bagnole ça. Allez, World Alden. Et puis nos invités tout à l'heure, on va parler de Ligue de l'enseignement qui seront là lire et faire lire. Et puis un invité aussi à 8h15, Pierrot qui sera là pour parler d'une disparition d'un ado qui a disparu hier matin à 9h. On en parle tout à l'heure avec lui en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Say, world, hold on. DJ les plus puissants de la planète, hein, le DJ français Bob Sinclair, Wild Hold On, heureux de vous retrouver, Francky dans la radio. Ça c'est la bonne nouvelle, hein, jusqu'à plus de 27 degrés aujourd'hui avec le ciel plein de soleil, plein de sourires, comme vous le matin, comme Isabelle qui est connectée du côté de Saran. Je t'écoute Francky, je suis au petit-déj, là tranquille, en train de dévorer ce café noir, noir sans sucre. J'adore, j'adore le café noir sans sucre. C'est bon pour le régime, c'est bon pour le diabète aussi. Voilà, c'est les bons conseils du matin. Nos invités, tout à l'heure, on vous en parle. Hein. Pierrot sera là, il y aura aussi l'action pour faire lire les jeunes enfants, les enfants, la Ligue de l'enseignement seront là. Lire et faire lire, c'est le sujet du matin, tout à l'heure, vers 8h15, 8h20 en direct. Et puis aussi, on parlera d'un ado qui a disparu depuis hier matin, 9h. On en parlera en direct aussi à la radio. Notre invité Pierrot dans les studios de la radio. Sur le 96.2 FM, Oliver Chetta, revu et corrigé par les DJ français David Guetta et Bob Sinclair. Voici Get Down, Saturday Night. C'est Francky. make we set this, I'm gonna get this, I'm gonna wet this, let's get reckless, make this night be the best trip, if I'm a set list, cannot forget this, just take this girl and flex this, conflict, for the pool and bless this, we not fed this girl, just let this energy, come shock like electric. Ooh, why, baby, wind up, ayo. International party animal. Let me tell them about who this dude is. Bye bye, hey ho. Je comprends ce qu'il dit, Sean Paul, par contre. Lucenzo, le meilleur des souvenirs, il y a 8 ans déjà, ça passe très vite. Hein. Coucou à la petite Sonia Alves. Bah ouais, salut Sonia, restauratrice à Orléans. Ouais, bah oui, la vie est de plus en plus facile, ou de plus en plus compliquée, peut-être, pour vous, restaurateurs, pour vous qui tenez un bar, et puis les discothèques qui vont réouvrir dès ce soir à Orléans. On aura peut-être une discothèque tout à l'heure au téléphone avec nous, on essaie de le contacter du côté d'Orléans pour voir comment on prépare justement l'ouverture d'une discothèque en direct. Et puis on va parler de lecture tout à l'heure. La Ligue de l'enseignement seront là, lire et faire lire. Et ouais, on vous en parle en direct. Et puis une inquiétante disparition. Un jeune ado qui a disparu hier matin. Il a 14 ans. Il s'appelle Kurt. Du côté d'Orléans, Pyro sera là pour nous en parler en direct. Il va lancer un appel aux alentours de 8h15 à la radio. L'amour à la plage, peut-être vous, hein, cet été, vous avez peut-être fait l'amour sur la plage, ouais. Bah, tout nu, bah oui, c'est comme ça, hein. 7h29 minutes avec Sonia qui est avec nous au téléphone. Bonjour Sonia. Bonjour Francky, bonjour tout le monde. Bon, t'as fait l'amour à la plage ou pas, toi? Dis-le tout, non? Non, j'ai fait l'amour dans mon lit. Ah oui, bah tellement ça. Fatigué. C'est vrai que dans le lit, c'est bien aussi, hein. C'est mieux même. À la plage, il y a plein de sable après, hein. Hein, ça colle. Eh ouais, ça colle. Sonia, restauratrice à Orléans, alors, dis-moi, comment se passent les nouvelles réglementations avec le pass dans les restaurants, Orléans? Ben moi actuellement j'ai pas de souci avec les clients, hein, d'office, ils me présentent leur passe, tout se passe bien pour l'instant. Ouais, c'est automatique, c'est-à-dire ils arrivent avec le passe directement ou t'es obligé de demander ou il y en a qui l'ont pas carrément? Alors, il y en a qui ne l'ont pas, donc je refuse, mais dans la grande majorité, ils viennent et ils me présentent directement leur passe. Hein. D'accord. Donc, tout se passe bien. Donc, tout se passe bien pour le moment. Est-ce que ça a fait une perte ou pas de chiffre d'affaires, entre guillemets, sur une période assez courte? On ne peut pas encore évaluer les choses, peut-être. Mais est-ce que tu sens une perte ou moins de clients ou des habitués? Oui. J'ai moins de clients parce que une grande majorité de jeunes sont pas vaccinés, donc automatiquement je peux pas les prendre. Ouais, alors on dit il y a quand même la solution de secours entre guillemets, il y a le test PCR hein, qui est valable 72 heures pour ceux qui nous écoutent. Hein, c'est ce que je leur dis pour pouvoir sortir le week-end, faites un test PCR en attendant. Voilà, c'est ça. Donc, si vous allez manger au resto, bah, de toute façon il le faut quasiment partout maintenant, faut être honnête. Hein. Voilà, c'est ça. Comme je leur dis, si vous voulez sortir maintenant que les discothèques vont réouvrir, les bars, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas sortir. Hein. C'est ça, c'est un peu la difficulté, on va dire, aujourd'hui. Alors, Emmanuel Macron, hier, il disait qu'il allait peut-être prolonger jusqu'après novembre. Donc, on espère que ça ne va pas trop durer. Non, oh non. Non, bah, c'est ce qu'il disait. Hein. Après, je ne m'appelle pas Manu encore, mais sinon, je vais l'appeler tout à l'heure à l'Elysée, on va l'appeler. Ah ouais, appelle-le, hein. C'est bon. Hein. Je vais l'appeler Manu. Bon, bah, bonne journée, c'est quoi le programme, les courses, la mise en place Les courses, la mise en place, travailler un petit peu, et ce soir aider le 30-40 à réouvrir. Ah bah voilà, des bonnes nouvelles pour aider les discothèques. Voilà. Toujours la Sonia présente dans les studios. Bah faut aider, c'est faut ça. Aider tout le monde. Merci à toi. Entraide. Merci à toi, Francky. Bonne journée. Au revoir, Sonia. Au revoir. Vous aussi, pouvez nous appeler justement 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard. Venez nous dire comment s'est passée la rentrée scolaire avec votre petit bout de chou hier à l'école. Eh ouais, il a pleuré, il a pas pleuré, il a aimé, il a pas aimé. Eh bien, 02-38-43-48-00, c'est le standard, et c'est moi la standardiste. Viens de gros qui arrive. Sei que vais falar e até perguntas qual é o motivo. E depois no meio da conversa sei que eu nada peço, falas em voltar. E entre beijos de arrependimento falas meus sentidos. Por momentos quase que me rendo, mas o sentimento traz também a dor. Oh, Arc-en-Ciel, 7h33 minutes avec Leandro Omondaï. Je sais pas si ça se dit comme ça, à mes amis portugais. Joachim d'ailleurs qui a gagné son chargeur de voiture, qu'il faut bien chercher à la radio. Joachim, c'est bon, il est dispo dans mon casier. Avant qu'on me pique, dépêche-toi. Du son qui arrive et ce remix, on l'adore. Olivier l'adore, Joël l'adore aussi. C'est vrai qu'on les adore aussi. On leur fait plein de bisous du côté de Saint-Yves, peut-être au bord de cette belle voiture. Eh ouais. 28 degrés à l'ombre et aujourd'hui presque 28 degrés. On va monter jusqu'à 27 degrés. Le soleil sera bien présent sur la région d'Orléans et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin en direct sous le soleil. 15 degrés au réveil, c'est pas mal. Un ancien, Jean-François Maurice. Ah, quelle voix, quel animateur radio aussi. Dès 7h du matin, c'est Frankie sur Radio Arc-en-Ciel. Hey Frankie. Oh no, que pasa de mí.

Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et des invités, il y en a plein ce matin, et aussi l'ouverture des discothèques, c'est aujourd'hui, enfin ce soir, plutôt à partir de 23h, minuit, à Orléans, les discothèques comme en France, enfin en France ont déjà réouvert, mais Orléans avait choisi d'ouvrir début septembre, un an et demi après. Est-ce que c'est compliqué? On est avec Samira au téléphone. Bonjour Samira. Bonjour Francky, ça va? Ben, ça va, pas trop dur le réveil. Non, ça va. Enfin, en plus, on réouvre, donc et voilà. Plus que motivé. Alors, le Loiret avait choisi d'ouvrir un peu plus tard par rapport aux conditions sanitaires. Ça y est, c'est officiel. Ce soir, les discothèques orléanaises vont réouvrir à partir de 23h au minuit. Ça dépend des clubs, bien sûr. Ça fait quoi d'ouvrir après un an et demi de fermeture? Bah, écoute, on appréhende un petit peu, mais j'espère que ça va bien se passer. Après, c'est vrai qu'il faut prendre, enfin, faut reprendre le rythme au bout d'un an et demi. Hein. 18 mois, c'est énorme. C'est bien. Comme on était les oubliés. Et puis, on croise les doigts pour que ça se passe super bien, qu'il y a le respect avec le pass sanitaire, la jauge à respecter. Ouais. Mais voilà, ça va le faire. On reste positif. Positif. La jauge, c'est 75%, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, 75% à respecter, donc en fonction de chaque discothèque. Passe sanitaire obligatoire avec la pièce d'identité, bien évidemment, pour bien contrôler. Ouais. Et voilà, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. En tout cas, on vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses pour ce soir, pour l'ouverture des discothèques sur Orléans. Foncez dans les discothèques orléanaises dès ce soir. Elles sont ouvertes, voilà, Samira, c'est ce qu'on peut dire. Merci d'avoir témoigné. Je te remercie. Merci, Francky. Bonne journée. Belle journée. Salut, Samira. Vous aussi, hein, soir, vous allez sûrement faire la fête dans les clubs. Ça y est, c'est parti, l'ouverture. Donc, n'hésitez pas à vous rendre dans les Club Night Fevers. Et puis, eux, ils ont fait partie des clubs pendant des années. Ils ont dansé, ils ont fait la fête. Et on les a connus à la radio. On les a eu plusieurs fois au téléphone. Voici les Magic System et Magic in the Air sur la radio couleur.

Damn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your faith cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ça c'est bien pour rouler sur la tangentielle avec le bras par la fenêtre à l'ancienne, avec les cheveux au vent, enfin quand on a des cheveux, pas facile hein, quand on n'a pas de cheveux comme moi par exemple. Hey Feels, Karine Harris, et puis du son avec des belles reprises sur Radio Arc-en-Ciel. Et ouais, on aime bien les vieilles reprises, on aime bien les vieux sons. Les Soundcheck par Federico Scavo, la reprise des années 80. On est en direct sur la radio couleur, bien plus la famille, c'est Francky dans la radio jusqu'à 9h. D'arracher ma chemise et d'aller danser sur le dance floor là. Your body, my body, le DJ italien Federico Scavo qui reprend Let's Enchant. Hein, quel souvenir les années 80. On est heureux d'être avec vous, nos invités qui arrivent dans quelques minutes. On est en direct, il est 8h04. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Bah moi aussi, j'irai où tu iras. Où tu vas? Au boulot? Eh ben on y va avec Jean-Jacques Goldman. Et Salène Dian, la Canada Catalogna ce matin. Bon réveil, belle journée et courage pour le job. Il y en a qui sont bientôt en vacances. Eh ouais, encore. J'irai, tu iras, nous, on vit sur la terre. Dion, Beatles, 7 minutes sur la Lady Canada, en direct. J'imite bien le Canadien quand même. Hein. Sunset avec Farouko, Nicky Jam. Et ça, c'est du bon, c'est du caliente. Jusqu'à 27 degrés aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Le sunset, bah justement, il arrive le soleil aujourd'hui, hein. Jusqu'à 27-28 degrés. Et la République Radio Arc-en-Ciel. 7h-9h, c'est Francky. Stéphanie du côté d'Orléans, salut Francky, merci de nous donner la joie et la bonne humeur. Bah, on est là pour ça, la direct à la radio. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Sur Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur des souvenirs, les années discothèques, et bah on a tous démarré là-dessus, avec les Bonhem et Rasputin en direct, Francky, 7h-9h. Ça me donne envie de danser, hein. Pierrot qui est dans les studios, on va parler justement de cette disparition, Kurt qui a disparu malheureusement. C'était hier matin, aux alentours de 9h, il a 14 ans. On va accueillir dans quelques minutes nos invités à 8h20. Et puis du son qui arrive avec Barry White pour le meilleur des souvenirs, puis la météo juste avant. La météo. La météo pour aujourd'hui, eh bien le soleil est bien arrivé, ça fait du bien le matin de voir un petit peu de rayons dans le sol. Les températures au lever du jour 15 degrés, le soleil sera bien là tout au long de l'après-midi avec des températures en hausse justement jusqu'à 27 degrés. Ça c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, du son qui arrive pour vous réchauffer le cœur avec le meilleur des souvenirs. Il nous a quitté il y a presque 10 ans. Ça passe, une voix en or. Barry White, Let the Music Play, et puis nos invités dans moins de 3 minutes 30. Ouais, je suis précis. Barry White. Music play, let's go. hideaway. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Quel souvenir musical, Barry White, Let the Music Player, 8h19 minutes. On les accueille dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, c'est nos invités ce matin. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est vrai que j'aurais aimé qu'ils ne soient pas mes invités. C'est pas méchant ce que je veux dire. J'aurais pas aimé que vous soyez là ce matin parce qu'on va parler de choses sérieuses. Alors, hier matin, vers 9h du matin, si je me trompe pas, un jeune ado a disparu du côté d'Orléans. C'était au quartier Murlin. Il a 14 ans. Il était habillé hier matin d'un jogging noir, d'un pull bleu, d'un sac Puma, des baskets rouges. Il a 14 ans. Il s'appelle Kurt, si je me trompe pas. Bonjour, on va accueillir Pierrot. Bonjour Pierrot. Bonjour, ça va? Comment tu vas bien? Ouais. La forme? Ça pourra aller mieux, mais voilà. Et on accueille France aussi. Bonjour France. Bonjour. Alors, quels sont vos liens de parenté avec ce jeune homme? Ben, c'est mes petits-enfants. Hein. Ouais, les petits-enfants. Ouais. La disparition, comment on s'est aperçu justement qu'il n'est pas rentré? Comment ça s'est passé? Ben, la dernière qui l'a vu, c'est sa mère. Ouais. Il est rentré, il savait des dents, puis il a été se coucher à 11h30. Le soir? Oui, le soir. Ouais. Et on n'a plus de nouvelles depuis 11h30 avant-hier. D'accord, donc avant-hier. Donc hier matin, il y avait de l'école. Il n'a pas été au... Il est quoi, il est au collège? Non, il est rentré ce matin. Ce matin? Ah d'accord, ok. Mmh. Donc pas de nouvelles. Il est sorti entre-temps? Comment ça s'est passé? Ah non, c'est des gamins qui ne sortent pas beaucoup. Ouais. Ils ne bougent pas de la cour. Ils ne bougent pas? Non, c'est un gamin très timide. Mmh. Très, très timide. Et puis, il ne bouge pas. Il n'y a pas d'indice, France, qui peut dire il y a eu ça ou autre chose? Non, il n'y a pas eu de... Non, a priori, aucun indice connu. Aucun indice connu, non. Ses frères et sœurs, enfin, un frère, une sœur, ne sont au courant non plus de rien. Ce sont aussi deux ados. Ouais. A priori, vraiment un gamin sans problème, quoi. Sans problème, ouais. Un gamin normal, voire même timide. Mmh. Tranquille. Alors, voilà. Il a des copains, non? Vous êtes renseigné un petit peu autour de ses amis, ses copains? Il a un petit copain, un copain, quoi. Il a un copain, lui, qui doit avoir 16, 17 ans, ouais. Et qui sont souvent ensemble. On l'a contacté, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu, ouais. Non. Ouais, donc, depuis hier, donc on rappelle, hein, il s'appelle Kurt, hein, c'est ça, on dit Kurt, ouais, il a 14 ans. Hein. Ouais. Alors, ce jour-là, il était habillé, la dernière fois que vous l'avez vu, il avait un jogging noir, il mesure 1m75, il avait un pull bleu, un sac de marque Puma, des baskets rouges, ouais. C'est dans le quartier Murlin, à Orléans, c'est pas loin de Sarans, hein, je crois, non? Oui, à 800 mètres. 800 mètres, voilà. Mmh. Donc, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est ici, quoi. C'est ici, oui, chez lui. Voilà. Ça a été signalé au commissariat de police d'Orléans. Oui, ils sont sous l'affaire. Hein, oui, bien sûr. Donc, si vous avez aperçu, si vous avez des informations, vous, de l'autre côté de la radio, ou si ça vous parle, peut-être, d'avoir aperçu ce jeune homme de 14 ans, ce jour-là, peut-être, dans la rue, ça peut vous revenir à l'idée. On est passé, ah ouais, tiens, je l'ai vu, ouais. Oui. On appelle le commissariat directement, c'est ça, là. Hein, voire même Pierrot. Je peux donner mon numéro? Bien sûr, Pierrot, c'est toi qui donne ton numéro. Alors, mon numéro, c'est 06. Ouais. 87 53 11 31. On répète-le une dernière fois comme ça. 06 87 53 11 31. 11-31. D'accord, donc le commissariat de police, bien sûr, est informé, sont en recherche. Oui, oui, oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Et donc toujours pas de nouvelles aujourd'hui à 8h20 du matin, non. Et aucune piste. Aucune piste, c'est ça, parce que vous dites, France, tu dis un enfant calme, timide, qui bouge pas, qui a pas de problème. Hein, donc, aucun problème. Ouais, aucun problème. On comprend pas trop, alors. Non, qu'est-ce qui lui est passé par la tête On ne sait pas. Ouais. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais, donc hier soir à 11h, c'était avant-hier soir. Avant-hier. Avant 3h30, il était chez lui, c'est oui, ça oui. Donc, donc il a disparu entre 23h30 et le matin, en fait. Et 9h30 le matin que sa mère a la Mais il s'est levé entre-temps, on ne sait pas, non s'il s'est levé. Non, on ne sait pas parce que les parents habitent dans une petite maison devant. D'accord, ouais. Et lui, il ne voulait pas dormir dans la chambre avec son frère. Alors ça fait 2-3 ans, ils ont acheté une petite caravane derrière la maison. D'accord. Et le gamin, il dormait dans sa petite caravane, il voulait être tout seul. Comme tout le temps. Ça faisait 2-3 ans. 2-3 ans qu'il dort, et oui. Jamais de problème. Ah, hein, jamais aucun. Toujours rentré à l'heure, le matin il prend le petit déjeuner avec tout le monde. C'est la première fois qu'il y a un truc comme ça. C'est jamais arrivé. C'est jamais. D'accord, bon, on espère qu'on va le retrouver très vite en tout cas. Oui, s'il a fait une fugue, il revient. Voilà, s'il nous entend, on sait jamais, ou si quelqu'un entend qu'il est en relation avec lui, s'il peut bon, il n'y aura pas de problème. Hein, non, aucun problème. Ah, non, voilà. Aucun problème. Voilà. Les parents seront trop contents de le retrouver. Bien sûr, donc n'hésitez pas. Alors, soit. Il faut rentrer à la maison, Kurt, on te le dit en direct, voilà. si on nous entend, rentre à la maison, on t'attend, les bras ouverts, il n'y aura aucun souci. Et puis, si vous avez justement peut-être aperçu, rappelez-vous, hein, réfléchissez un petit peu, avant-hier, vous étiez où? Est-ce que vous étiez par là, dans le quartier? Vous avez aperçu ce jeune homme, je vous rappelle le signalement. Donc il a 14 ans, il mesure 1m75, il avait un jogging noir, un pull bleu, donc c'est assez visible hein, quand oui, même. Oui. Un sac de marque Puma sur le côté, avec des baskets rouges, oui. Voilà, donc beau gosse avec des cheveux noirs. Hein, j'ai vu la photo. Ouais, on peut retrouver sur Orléans Actu, donc le site de Facebook, sur ta page Facebook aussi, toi France. Mmh. On peut apercevoir la photo de ce jeune homme ouais. qui s'appelle Kurt. Voilà. Exactement. On peut rajouter autre chose peut-être avant de. On peut rajouter que surtout qu'il rentre. Ouais, c'est ça. Voilà. Hein. Et je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui sait quelque chose. Ouais. Qui n'ose peut-être pas parler de peur aujourd'hui. Ouais, peut-être. Alors, est-ce que c'est pas un problème, je dirais, de gamin entre guillemets? Maintenant, ils ont peur, ils ont fait une erreur, ils se disent merde, on a fait une connerie. On a vu sur les réseaux sociaux parce qu'on voit des choses passer, comme quoi il est parti, etc. Est-ce que maintenant ils ont peut-être peur? Il y a pas de crainte. Non, mais aucun reproche ne sera fait. Hein, revenez, il y aura pas. On va être trop content de l'accueillir. C'est voilà. Surtout ça. Voilà. Bah, nous aussi, on espère qu'il va revenir rapidement. En tout cas, on est tout cœur avec vous et on lancera l'appel tant qu'il sera parvenu. On va essayer de le relater. L'information le plus souvent, voilà, ça me ferait plaisir. Sinon, vous pouvez aussi nous appeler à la radio si vous n'osez pas appeler le commissariat de police, si vous n'osez pas rentrer. On a un standard ici, vous m'appelez, puis moi je donnerai les bons numéros. C'est le 02-38-43-48-00, 02-38-43-48-00, c'est le standard de la radio, c'est totalement anonyme. N'hésitez pas à nous appeler. Si vous avez des informations, je les transmettrai à la famille et bien sûr à la police, parce qu'on est obligé de le transmettre, comme il y a une enquête qui est en cours. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de vous aider ce matin, Pierrot et France, voilà. Mmh. On lance cet appel. Donc, je vous rappelle le signalement hier matin. On n'a plus de nouvelles depuis hier soir, c'est ça hein. Avant-hier soir, pardon. 23h30, voilà. Si vous l'avez aperçu entre 23h30 et, on va dire, 9h du matin, hier, ou peut-être aujourd'hui encore. Donc, 1m75, les cheveux bruns, il s'appelle Kurt, il a 14 ans, un pull bleu, un jogging noir, un sac de marque Puma. J'ai cité la marque, malheureusement, lui, je suis obligé. Et des baskets rouges, le quartier des Murlins à Orléans, du côté de Saran. N'hésitez pas à vous rafraîchir un peu la mémoire, ça peut aider une famille voilà, qui est un peu dans le besoin aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir. Merci Francky, merci Arc-en-Ciel. Merci, et puis bon café. Hein. Ouais, merci. Voilà la famille, merci à vous. Slave to Love, merci. Ça arrive. You got to know. avec Brian Ferry, Self to Love. Je vais vous parler d'une chose qui va peut-être pas vous parler. Je sais pas si c'est français. Lire et faire lire, eh ben, on en parle dans quelques minutes avec notre invité qui va juste d'arriver. Et puis Double Asile aussi. Ah, 1999, c'était la version originale et repris en 2012 par Alex Ferrari. C'est Bala, Bala, Bala, Bélé, Bélé. Et notre deuxième invité qui arrive en direct de la radio française, il est 8h30. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Radio Arc-en-Ciel, 8h33 minutes avec ce son de 2012, Alex Ferrari, balabala, la météo pour aujourd'hui. Eh bien, c'est plutôt pas mal, on va dire. Ouais, du soleil. La météo. La météo sur Radio Arc-en-Ciel, eh bien le ciel est dégagé ce matin, le soleil qui commence à faire son apparition, quelques petits nuages mais très très timides, avec peut-être quelques petites gouttes de pluie ce matin mais très légères, les températures relevées du jour 15 degrés et cet après-midi on va ressentir quand même jusqu'à 29 degrés, c'est plutôt pas mal. Du son qui arrive avec Madonna, Vogue et puis notre invité dans moins de 4 minutes en direct à la radio. Le meilleur des souvenirs, c'est sur Radio Arc-en-Ciel avec Madonna, Vogue. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth, gave good face. Lauren, Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude. Fellas that were in the moon. Allez, Rancière, 8h40 minutes à peine avec la Madone, Vogue, notre invité, elle arrive, c'est Anne-Claire, dans moins de 1 minute, justement. Notre invité surprise au téléphone. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Juste avant d'accueillir Anne-Claire au téléphone, il y a M. Faria qui doit être au téléphone. Bonjour, M. Faria qui rentre du Portugal, apparemment, non? Il est là ou il est pas là? Ah bah je crois qu'il est parti Anne-Claire, bah tant pis pour lui. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Comment elle va bien ce matin? Ça va très bien. Ça va? Pas trop dur de venir à radio à 8h15, 8h30? Du tout, le café était super. Il est bon le café ici. Je l'ai préparé hein, toute la nuit. Ah bah, ça se sent. L'action de la Ligue de l'Enseignement, oui. Lire et faire lire, on va en parler. Alors on parle peut-être un peu chinois pour certaines personnes qui nous écoutent. Mais qu'est-ce que c'est là? On va nous expliquer ça Anne-Claire si tu veux bien. Oui. Lire et faire lire c'est quoi? Alors lire et faire lire, c'est une association qui a plus de 20 ans, donc une association nationale qui a été mise en place par l'écrivain Alexandre Jardin. Donc le principe, ce sont des bénévoles de plus de 50 ans qui vont lire dans des structures petite enfance, donc des crèches, des multi-accueils, etc., des écoles maternelles, primaires, ça peut être aussi en centre social, PMI, etc. C'est quoi? C'est une aide à la lecture? C'est pour découvrir plutôt le plaisir de la lecture partagée, donner le goût de la lecture à des enfants qui sont peut-être éloignés de ce domaine parce que dans la famille, il n'y a pas forcément des livres à la maison où les parents ne lisent pas forcément. Depuis quelques années avec le portable, avec Internet, peut-être qu'on lit moins aussi. Voilà. Moi, je suis pas vieux, mais quand j'étais jeune, je lisais pas mal quand même. J'avais pas de portable. Oui, voilà, il y a ça. Et puis c'est vrai que en grandissant aussi, les enfants associent plus la lecture à quelque chose de scolaire. Il faut lire pour faire une fiche de lecture, etc. Donc ils se détachent de la lecture. Donc c'est apporter ce plaisir de la lecture aux plus jeunes. Il y a une forme de lutte contre l'illettrisme, effectivement. Aussi, ouais. Et puis créer du lien intergénérationnel entre les plus jeunes et les seniors. Ouais. Et donc ce projet est porté dans chaque département par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, ou par la Ligue de l'Enseignement. Et donc dans le Loiret, c'est par la Ligue de l'Enseignement avec le soutien aussi de l'UDAF 45. Voilà, donc c'est pour ça que... Alors comment réagissent les jeunes enfants par exemple, les plus jeunes, quand on leur dit de lire et faire lire à haute voix, parce que c'est à haute voix? Alors ce sont donc les bénévoles qui lisent aux enfants les histoires. Et ils réagissent comment les tout bébés Alors ils sont très émerveillés. Oui, et puis ils veulent toucher les livres, ils veulent il y a beaucoup de contacts avec les plus petits, il y a beaucoup de lectures et après manipulation de l'objet livre parce que voilà, faut découvrir en fait que ça s'ouvre, qu'on tourne les pages, etc. Ouais. Il y a un contact physique, on va dire, avec le livre. D'accord. Est-ce qu'il y a une forme d'amélioration pour ceux qui ont des problèmes d'illettrisme, justement, tu le disais, les problèmes de lecture? Par la suite, est-ce que vous voyez une amélioration avec le temps? Ça serait difficilement quantifiable. Ouais. Mais en tout cas, il y a des enfants qui, à la base, n'ont pas forcément envie d'aller à cette séance de lecture. Voilà, que c'est plutôt les animateurs. Ça, c'est les rebelles. Voilà. Les enfants rebelles, un peu. C'est, parce qu'il y en a qui viennent spontanément, puis d'autres, ce sont les animateurs qui leur disent, tiens, vas-y, parce que les interventions peuvent, quand c'est sur du temps périscolaire, ça peut être la pause méridienne ou alors le soir après l'école. Ouais. Donc les animateurs oriente certains enfants justement qui sont peut-être plus éloignés de la lecture vers ce dispositif. Et on voit que finalement, effectivement, au début, ça peut être un peu je rechigne, et puis finalement... Je m'adapte. Voilà, et finalement, je reviens la semaine d'après. Il faut dire une chose, quand on a ses copains ou ses copines qui vont tous, on se dit, moi, je vais y aller aussi. Oui. Et puis il y a vraiment le fait de découvrir la lecture sous une autre forme, en fait, qui n'est pas le cadre scolaire. Il y a le lien avec le bénévole qui rend ça aussi très vivant et ludique. Et voilà. Comme ça, quand tu rentres à la maison, ils vont peut-être dire aux parents, achète-moi un bouquin. Ça peut le faire aussi. ça serait effectivement la finalité du projet. Comment ça se passe, alors, les rendez-vous? Il faut prendre des rendez-vous dans les écoles? Alors, en fait, si donc on a des bénévoles de plus de 50 ans qui sont intéressés, eh bien, ils contactent la Ligue de l'enseignement, donc soit par mail ou sur Facebook ou sur notre numéro de téléphone. Ouais. Et puis, nous, après, on les recontacte. On a des bénévoles relais qui vont leur présenter l'dispositif, répondre à toutes leurs questions. Et après, en fonction des disponibilités et de la zone géographique du bénévole, on va leur proposer des structures. Et puis aussi, s'ils préfèrent faire avec des plus grands en primaire ou plutôt des structures petite enfance. Après, on essaye de se faire rencontrer et les structures et les bénévoles et de mettre en place le projet. Avec les ados, ça marche? Alors, on n'a pas encore développé, nous, dans le Loiret, mais il y a d'autres, fédérations. Moi, je dis ça pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, les ados, c'est tout pour le portable, ou la tablette. Alors, t'as un portable. Bon, l'autre jour, je suis passé un arrêt de bus devant un collège, là, il y avait 7 ados assis et 7 ados sur le portable. C'est un truc de fou, quand même. C'est vrai que... Bon, je dis pas qu'il faut tous des bouquins, mais bon. Non, mais le collège, le public ado, ça serait aussi à développer, effectivement. Ouais. Donc, il nous faut, Et des collèges intéressés pour mettre en place ce projet, et des bénévoles aussi motivés pour aller vers le public adolescent, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile de prime abord, mais on peut les accompagner avec des formations. On accompagne tous nos bénévoles par des formations sur la lecture à voix haute, sur la lecture aux tout petits quand ils interviennent en crèche, sur la gestion de groupe, etc. Si des parents nous écoutent aujourd'hui, ce matin, dans les voitures, ils vont bosser, peut-être que ça les intéresse. Il y a un rendez-vous qui est calé sur Orléans prochainement? Alors, on sera présent à rentrer, en fait, au Forum des associations d'Orléans, donc sur le stand de la Ligue. Et puis, il y a des bénévoles aussi dans d'autres villes qui seront présents sur leur propre forum. Donc, je pense notamment à Fleury, on a une équipe très dynamique. La passerelle, peut-être, non? Alors, oui, c'est ça sera samedi. Ah bon, on y sera, nous? Eh ben voilà. Donc, il y aura je vais animer la passerelle samedi, Il y aura des bénévoles de Lire et Faire Lire. J'ai aussi Olivet ce mois, mais on est aussi présent dans tout le département. Donc, une belle initiative en tous les cas. Oui. Lire et faire lire. Et si on veut devenir bénévole, si un parent dit, c'est toujours plus de 50 ans ou alors on peut... C'est plus de 50 ans. C'est la condition sine qua non. Si moi j'ai 51 ans, mais donc je veux. Eh ben voilà. Je peux venir alors. Très bien. On vous accueille sans problème. C'est vrai. Et si on veut donc devenir adhérent, parce que c'est adhérent, on devient alors, adhérent chez vous. Alors une fiche d'inscription à remplir. C'est à l'année, non? C'est payant? C'est quoi? Alors c'est gratuit. Vous pouvez faire des dons à la Ligue de l'enseignement pour nous aider effectivement à faire une belle programmation, mais c'est gratuit aussi bien pour les structures d'accueil qui voudraient accueillir des bénévoles que pour les bénévoles. Ben voilà de bonnes nouvelles, des choses que je ne connaissais pas. Alors on m'avait envoyé un mail à la radio en me disant tu peux l'inviter, ça c'est sympa, c'est vrai que c'est sympathique, on découvre des choses, je découvre des choses. Lire et faire lire, c'est l'action de la Ligue de l'enseignement. Anne-Claire, un dernier mot à rajouter avant de conclure cette belle interview avant 9h? Ah non. Non, tout va bien alors. Je suis prise de court. Ah non, mais c'est pas grave, hein, nous on adore la spontanéité. Quoi. Ouais. Non, on vous invite à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Moi, à vous rejoindre, je serai là samedi, ça c'est sûr, à Fleury-les-Aubrais. Et dimanche à Orléans? Ah peut-être, je pourrais passer aussi dimanche. Voilà. Je vais faire la tour comme ça. Très bien. Merci Anne-Claire d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup à vous. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. En direct sur la radio. On est heureux de vous retrouver. Et puis dans quelques minutes, il sera 9h, l'heure de la relève, comme on dit, avec du son. Latina qui arrive, et Lucenzo. Mueve la cabeza, danza el culo. derecha del mar que se me llevó en tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a tanino. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro. Ciel 8h50 avec toute la bande là, Daddy Yankee, Akon, Pitbull, Vendasa, Kuduro. Et puis on les a reçus tout à l'heure, hein, Pierrot et France. On vous rappelle avant-hier cette disparition d'un adolescent. Il a 14 ans, c'était du côté du quartier des Murlins à Orléans. Il s'appelle Kurt, il mesure 1m75, il avait un jogging noir, un pull bleu, un sac Puma, des baskets rouges. Si vous avez des informations, si vous l'avez peut-être aperçu, réfléchissez un petit peu. N'hésitez pas à contacter le commissariat de police d'Orléans Centre, ou alors vous nous contactez à la radio au 02 38 43 48 00 et nous on passera les bonnes informations et on contactera le commissariat si vous voulez pas les appeler. Voilà, donc je vous rappelle, hein, 1m75, les cheveux noirs, un jogging noir, un pull bleu, un sac Puma et des baskets rouges, ils s'appellent Kurt, c'était du côté d'Orléans, du quartier des Murlins, c'était avant-hier vers entre 23h et 9h du matin. Donc n'hésitez pas à appeler le commissariat de police d'Orléans. Maître Gims qui arrive avec Vianney. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, bah c'est la même. Hey, aïe, aïe,

Si je calcule bien, normalement, il sera mon invité la semaine prochaine. Sur le téléphone dans les studios, Marquito, Olu Zetano. Laurenceau, ça y est, il est prêt. Hein, moi, je vais vous retrouver lundi avec plein d'invités. Alors là, je peux vous dire la semaine prochaine, préparez vos oreilles parce qu'il y aura du très très lourd. Merci de nous avoir suivis toute la semaine, 7h, 9h. Et je vous rappelle la disparition de cette adolescente de 14 ans du côté d'Orléans, Murlin. Si vous avez vu quelque chose avant-hier, à partir de 23h30 jusqu'à 9h du matin, n'hésitez pas, il s'appelle Kurt, il a 14 ans. La famille est inquiète de contacter, surtout contacter le commissaire d'Orléans de police si vous avez des news, voilà. Ou alors vous nous appelez 02 38 43 48 00. La famille, je vous retrouve lundi en pleine forme. Soyez sages avec Laurenceau qui est là. Beau gosse les filles. Et en plus, je crois qu'il est célibataire. Je crois, hein, je suis pas sûr. Va foutre la merde dans ce groupe, mais il est là. Salut les arbres. Calinette Nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingrée. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Right. C'est le temps des idées, c'est le